Alors, qui c'est qui veut faire un solo? Il y a Gris qui avait fait un solo là-dessus. Ah, je sens que Mike il a envie de faire un solo. Allez, vas-y Mike, fais péter le solo. À la guitare, Mr. Mike. Allez Mike. Suivant. Qui veut faire un solo? Qui veut faire un solo? Qui veut faire un solo? Qui veut faire un solo? Pas mal, Mike. Le morceau, ça m'a rappelé. C'est exactement pareil. Ça va? Synchro là. Ta-da-da-da. Alors Titi pour toi. Allez, solo pour Titi, c'est parti à la mesure 1, ça va partir. Je te laisse presque tout le morceau. C'est toujours pareil. 3, 4. Et maintenant, messieurs et mesdames, à la guitare, Mr. Titi. Il arrive. Il accorde la guitare. Allez, Titi! Pas mal! Pas mal du tout! Mr. Titi à la guitare! Vous en voulez encore? Ouais! Come on! Bravo, Mister Titi. Bravo, bravo. Qui veut faire un solo? Eh bien, messieurs, dames, ce soir, au New César Palace, c'est le concours de solo. Je le fais, je mets juste la partie. Allez, chacun votre tour. Je laisse tourner. Je vais partir sur le 1. Quand vous voulez. 3, 3, 4. Ah, pardon, c'est pas carré. Il y a un petit problème de synchro comme d'habitude sur mon ordinateur de merde. Pourquoi ça carré? Attention, je vais essayer de le mettre carré et après je touche plus. Promis, je touche plus après. 3. Mesdames et messieurs, ce soir, grand concours de solo avec plein de guitaristes sur des boîtes. C'est parti. Alors, les participants, Viz, Mike, Phil, Titi et les autres. Mesdames et messieurs, nous avons beaucoup de solistes guitare. Ils sont un peu excités ce soir. Je sais pas ce qu'ils ont pris. Allez, lâchez-vous les gars. En cours de solo. Maintenant, nous allons voir une version de Coco. Une version. Il faut pas me lancer dans les sons. Un peu de douceur avec notre ami Coco. Bonsoir, Coco. Salut à tous. Thank you. l'air du Juno. Thank you.